Les forces et la loi d'Hormès. Donc, voilà le titre de l'enregistrement. En fait, il m'est venu suite à l'écoute d'une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le lien là, s'il est rapporté en bas de l'enregistrement présent. Elle s'intitule S'adapter à ses faiblesses ou devenir plus fort avec un point d'interrogation. Le principe de l'Hormèse, regenère.org. C'est avec Pierre Dufraise et Thierry Casanova. Donc, c'est une vidéo intéressante où on parle de la loi d'Hormèse appliquée au développement physique. Et en la visionnant, ben, j'ai fait le lien par rapport aux forces. Donc, les entités qui se retrouvent sur le plan mental qui vont chercher à amener, par exemple, un individu à évoluer parce qu'il y a un lien à faire entre les deux. Donc, il a émergé dans mon mental là, en écoutant cette vidéo. Donc, tout d'abord, ben, je vais vous expliquer en quoi consiste la loi d'Hormès. Donc, ça n'a rien d'ésotérique, là, en passant, là. C'est pas une loi occulte, là, dans le sens, une loi spirituelle, là. Pas du tout. C'est tout simplement le principe qui fait en sorte qu'un organisme va devenir plus fort s'il est exposé à un stress puissant et court auquel il a la capacité de s'adapter. Donc, autrement dit, ce qui ne détruit pas un individu ou ne le tue pas le rend plus fort, pour reprendre une célèbre citation, là. Donc, autrement dit, ça revient au principe que face à une adversité, un stress, un choc, une tension, l'individu exposé à ça, en termes d'organisme biologique ou la cellule, s'est capable de composer avec ça, va le devenir plus forte. Un peu comme, par exemple, une personne qui est exposée à un virus et qui neutralise le virus et devient plus fort parce qu'il est capable par la suite de détecter le virus puis de neutraliser. C'est un peu le même principe. Donc la loi d'Hormèse dans le cadre de la vidéo, je vais vous résumer un petit peu là, ce que j'ai appris en l'écoutant, c'est que lorsque l'organisme est soumis à un stress, le corps va être porté à s'améliorer s'il a accès ensuite à un temps de repos nécessaire, soit une sollicitation forte dans les limites de la capacité adaptative de ce dernier. Donc, si quelqu'un est confronté à un stress, par exemple, la personne est privée de nourriture pendant une journée, ben, ça va créer un choc pour que l'organisme puisse se reconstruire plus fort ensuite. Ensuite, il peut se reposer après le stress qu'il a connu. Donc, c'est sûr que ça s'applique notamment à l'entraînement physique, là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est exposé à des stress ponctuels de forte intensité, c'est plus bénéfique pour l'organisme sur le plan évolutif que du stress chronique associé, par exemple, à une activité de faible intensité, mais qui crée continuellement une tension sur l'individu. Donc, par exemple, si quelqu'un fait toujours la même chose à chaque entraînement, il se lève tout le temps les mêmes poids à haltères, ben la personne ne pourra pas se renforcer, puis elle va se mettre à stagner parce qu'il y a certains muscles qui vont devenir adaptés par rapport au poids soulevé, mais en même temps, il y a d'autres muscles qui ne se développent pas simultanément, puis ça va créer une stagnation. Donc, pour que le principe de la loi d'Hormèse s'applique, ben ça prend des stimulations variées, donc des stress, des chocs, des tensions variées, pour amener l'individu à s'y adapter en conséquence, puis devenir plus fort en étant exposé à ça, à cette adversité. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Le principe de la loi d'Hormès, dans le cadre de la vidéo, il était question de quatre choses que la personne peut faire pour s'optimiser sur le plan physique. Donc, l'exposition au froid, à la chaleur intense également, ce qui amène la personne à sortir de sa zone de confort, puis amener son corps à s'y adapter. L'exercice physique aussi adapté, de forte intensité et ponctuelle, sur des intervalles, puis avoir la possibilité de se reposer par la suite. Un peu dans le même optique que ce qu'on voit dans la nature. Par exemple, vous allez avoir une gazelle qui va être poursuivie par une lionne. Donc, la gazelle, elle fait une activité de forte intensité. Ça ne dure pas longtemps, elle doit courir pour sa survie, parce que si elle se fait attraper par la lionne, elle risque d'être dévorée, n'est-ce pas? Donc, ça va être quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Puis le corps biologique est programmé pour des choses comme ça, associées entre autres à l'instinct de survie. Alors que si on prendrait la gazelle puis on lui ferait faire de la course à tous les jours, une demi-heure par jour, ben en ce moment-là, ça ne serait pas un stress adaptatif parce que ça créerait un stress chronique, toujours la même tension qui revient à chaque jour. Puis à ce moment-là, ben ça peut fatiguer, ça peut user l'organisme, ça peut amener aussi une surutilisation de certains membres au détriment d'autres, ce qui peut occasionner ensuite des problèmes de santé. Donc, bref, le stress adaptatif ici qui est visé, c'est un stress qui implique une certaine variété. Sinon, l'autre élément, le quatrième élément pour favoriser l'adaptation du corps, ben, c'est le jeûne intermittent qui va créer un stress sur l'organisme qui va lui donner le signal qu'il doit être plus fort pour aller chercher davantage de nourriture. Donc, ça va l'amener à s'optimiser par l'action. Ça va stimuler, entre autres, la sécrétion de certaines hormones de croissance qui vont faire user l'organisme. Donc, il était question dans la vidéo que ça stimulait la LH, l'hormone lutéinisante, qui est précurseur de la testostérone. Ensuite, ça va stimuler la croissance des neurones, la sérotonine dans le cerveau aussi. Donc, le jeûne à intervalle intermittent. Ce qui est dit là-dedans, c'est que ça crée un stress, ça crée une tension qui stimule l'organisme. Donc, c'est sûr que si vous voulez avoir plus de détails là, par rapport à la loi dormance s'appliquer sur le corps biologique, vous pourrez écouter la vidéo dont vous allez trouver le lien là, en bas de l'enregistrement présent, là, naturellement. Donc, mon objectif dans les dernières minutes, c'était de vous résumer un peu la vidéo. Puis là, j'écoutais ça, puis les liens se faisaient tout seuls dans ma tête par rapport à ce que font les forces à l'égard de l'être humain. Donc là, on va entrer dans un volet plus occulte pour la plupart des gens, donc c'est-à-dire voilé et caché. C'est-à-dire qu'il existe dans une dimension parallèle à celle physique des entités, notamment sur le plan astral, mais aussi sur le plan mental. Et l'objectif des entités sur le plan mental, c'est d'amener l'être humain en tant qu'organisme à s'optimiser dans la matière. Et pour y arriver, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent en place des programmations, des plans de vie, des agendas auxquels l'individu va être exposé, va être soumis, pour que l'individu soit confronté à du stress, à des tensions qui vont l'amener à grandir, donc au travers des chocs, de l'adversité, pour qu'en tant qu'organisme, ils deviennent plus forts. Pourquoi? Pour être capable d'intégrer leur énergie. Parce que le but des plans de la lumière, c'est de fusionner avec l'être humain. C'est qu'il fusionne, qu'il se marie à lui, c'est-à-dire qu'il y a une unification psychique entre eux et l'être humain. Et pour y arriver, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est qu'ils vont amener l'individu à être soumis à différents stress, à différentes tensions dans ce sens-là. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la perte d'une maison, d'une voiture, différentes choses auxquelles l'ego peut s'attacher. Pour amener l'ego être confronté à des stimulus adverses et par la suite se développer en fonction de ça pour être plus fort. Parce que naturellement, habituellement, l'ego ne va pas se mettre en situation d'adversité. C'est la même chose pour le développement sur le plan biologique. T'sais, on peut dire que quelqu'un, par exemple, qui s'expose à du froid peut développer avec le temps et l'exposition, selon sa capacité, une plus grande capacité à faire face au froid. Par contre, spontanément, c'est pas tout le monde qui va aller s'exposer à du froid. Puis aussi, si la personne s'expose à du froid, il faut qu'elle le fasse dans le respect de ses capacités optimales. Parce que là, si la personne reste trop longtemps dans un environnement qui est froid, à l'extérieur, par exemple, de chez elle l'hiver, ben qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que certains de ses membres, comme ses orteils ou le bout de ses doigts, risquent de geler. Donc, ça, c'est trop. Fait qu'il faut trouver le bon dosage, d'où l'intelligence de l'être humain qui va, par exemple, utiliser les principes de la loi d'Hormèse pour optimiser son corps biologique et aussi, en parallèle, l'intelligence des forces de la lumière qui vont devoir faire preuve d'intelligence pour confronter l'être humain à certaines quantités de chocs, mais en même temps pas trop, parce que si l'être humain est confronté à trop de chocs en trop peu de temps, et que l'être humain n'a pas la capacité de récupération, ben qu'est-ce qui va arriver? L'être humain risque de se désorganiser sur le plan psychologique, sur le plan psychique, et sombrer dans un état de folie, dans un état de désorganisation qui va faire que la personne ne sera plus fonctionnelle dans son quotidien, c'est-à-dire qu'elle sera plus capable de travailler, sera plus capable de s'alimenter adéquatement, de faire le ménage chez lui, de passer l'aspirateur, ainsi de suite. Donc, la personne ne sera plus fonctionnelle pour faire les tâches du quotidien ou professionnel. Donc, les forces, à quelque part, ont exposé l'être humain à un certain niveau de choc, d'opposition, d'adversité, parce que sans ça, l'être humain, en général, il s'exposera pas à des éléments qui vont l'amener à grandir, à des stresseurs importants. Parce que c'est pas agréable. Au même titre que la personne qui, par exemple, va s'exposer à une très grande quantité de froid l'hiver en sortant pour aller se baigner dans l'eau froide, c'est sûr que d'un côté, par rapport à l'ego, ça peut être désagréable de vivre ça comme expérience, mais en même temps, c'est stimulant pour le corps biologique parce que ça va stimuler le corps d'être exposé à de l'opposition comme ça. Au même titre que l'individu qui est exposé à de l'opposition dans sa vie de tous les jours, ben, ça peut le stimuler, ça peut l'électrifier, puis ça peut l'amener à devenir plus intelligent. Donc, être plus adapté dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que l'individu, en tant que tel, peut faire un travail sur lui pour adapter son corps biologique aux éléments comme le froid, la chaleur, à l'activité physique aussi, l'entraînement, amener le corps à soulever de plus en plus des poids qui sont élevés. Donc, quelqu'un qui soulève 120 livres, qui veut en soulever 220, 320, ainsi de suite. Donc, la personne peut exposer le corps à une opposition qui représente la charge, le poids à soulever, puis se mettre en action pour développer ça au fil du temps. Au même titre que les forces peuvent imposer à l'individu une programmation pour qu'il soit de plus en plus fort en termes de volonté dans la matière d'intelligence, aussi qu'il soit capable de faire preuve davantage de capacité d'amour pour autrui, de respect. Donc, les forces vont travailler l'individu au même titre que l'individu peut être mis en vibration par les forces, puis recevoir des pensées qui proviennent d'elles, parce qu'après tout, la pensée vient d'ailleurs, pour optimiser son corps biologique en mettant en application dans sa vie de tous les jours les principes de la loi d'Hormès. Tu sais, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu qui, l'hiver, allait en fait voir à l'extérieur, là, au froid, ou se baigner dans une rivière avec de l'eau froide pour optimiser son corps biologique. Puis les forces font la même chose avec l'être humain, sauf que avec la loi d'Hormès, c'est volontaire. Donc l'individu dit, bon, aujourd'hui, par exemple, je vais optimiser mon corps à faire face à un stimulus inhabituel. Je vais aller faire des exercices que je ne fais pas habituellement. Donc, sortir de la routine pour qu'il y ait une opposition. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait des exercices pour les jambes. Je me suis notamment là, assis, le dos contre le mur à 90 degrés. Puis là, j'ai maintenu ça à 4 reprises en faisant des 30 secondes, là. Donc, je suis en position assis, puis les cuisses avec les mollets font un arc de 90 degrés, là. Puis je maintiens ça, je regarde mon chronomètre, quand ça me fait mal aux jambes, puis à un moment donné, les jambes, ils se mettent à trembler, n'étant pas habitués. Puis ce type d'exercice-là, ça faisait longtemps que je l'avais fait. Fait que là, je l'ai fait, ça m'a donné une stimulation au niveau biologique. Puis en même temps, bien, c'est agréable de bénéficier de la stimulation que ça donne au niveau biologique, parce qu'on sent son corps qui est vivant là, par la suite et pendant l'activité, mais ça sort aussi le corps de l'inertie, de l'entreprise, qui peut être lié à l'astralisation. Mais en même temps, sur le coup, ce n'est pas nécessairement agréable. Mais ça, c'est une barre volontaire, dans le sens qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais faire ça. Tandis que la loi d'Hormèse qu'appliquent les forces, c'est souvent à l'insu de l'individu, tant aussi longtemps qu'il n'est pas suffisamment conscient pour voir leur manège dans sa vie. Donc, tant que l'individu n'est pas capable d'établir un contact télépathique avec elle, puis qu'il y a une discussion entre elle et lui, ben à ce moment-là, il ne voit pas leur game, puis il ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'a pas la capacité de lecture des événements parce qu'il ne vit pas un contact vibratoire avec eux autres. Mais lorsque le contact s'installe, ben là, il peut comprendre qu'est-ce que les forces font. T'sais, ça peut dire intérieurement qu'aujourd'hui, tu vis tel événement oppositionnel pour t'amener à développer ta patience. Donc, la personne qui, par exemple, s'en va comme à l'habitude au travail, et puis elle est confrontée à des embouteillages qui n'en arrêtent plus, ben, ça lui donne une mesure à quel point elle est patiente. Comment elle est capable de faire face à l'opposition que représente d'être ralentie dans son mouvement de déplacement à travers son véhicule automobile. Comment qu'elle se comporte par rapport à ça? Donc, la personne est testée Au même titre que l'être humain qui utilise les principes de la loi d'Hormèse peut tester son corps biologique pour l'optimiser. Sauf que la programmation que font les forces est souvent subie par l'individu parce que tant aussi longtemps que l'individu n'a pas un taux vibratoire égal à celle des forces, il ne peut pas modifier la programmation dans le sens que c'est une programmation qui lui est imposée. Mais lorsque l'individu développe autant d'intelligence que celle qu'a les forces, ben à ce moment-là, il ne subit plus l'intelligence des forces, étant donné qu'une unification psychique entre elle et lui. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de dualité. Donc, il n'y a plus de programmation subie. Donc, ça modifie son rapport avec elle. Mais tant que ce n'est pas fait, parce que l'individu, lorsqu'il est soumis à l'influence de l'âme, plutôt que l'esprit, puis du plan mental, ben, il ne cherchera pas à évoluer par lui-même, ce qui fait qu'il peut avoir tendance à être passif. Donc, passer sa soirée, par exemple, à écouter la télévision, à regarder des films sur l'ordinateur, manger des chips, des groustilles, boire de la bière. Donc, il faut que la personne, pour sortir de l'ego qui cherche à se maintenir dans sa zone de confort, soit mis en vibration pour ça. Il faut qu'il y ait une volonté de s'extirper de l'inertie. Et pour ça, ben, souvent, ça prend des événements oppositionnels qui vont sortir la personne de sa zone de confort malgré lui. Si, par exemple, la personne se complaît dans une certaine passivité en vivant dans un logement, puis du jour au lendemain, bien, le logement se met à prendre en feu, ben, il y aura d'autres choix que de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est sûr que si le logement est sinistré par la chute, bien, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va être obligé de résider ailleurs. Changer de domicile, ça amène un stress adaptatif, donc qui va stimuler l'individu pour qu'il se reconstruise plus fort par la suite. Donc, on applique ici le principe de la loi d'Hormèse au niveau événementiel, au même titre qu'on peut appliquer ce principe-là au niveau biologique pour se reconstruire plus fort. Donc, il y a des liens intéressants à faire entre les deux, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aborder ce sujet pour la première fois. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour un autre enregistrement. Au revoir.